بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on commence le coup 38 dans l'explication des règles du livre de Cheikh Al-Imam Al-Mardawi Rahimahullah Al-Hanbali dans son livre Sharh Manzumat Al-Adab Al-Shar'iyya. Et on est arrivé dans le chapitre qui s'intitule Al-Iddihan wal-Iqtihal والوشم وإعفاء اللحى ونحوه. Donc c'est-à-dire le chapitre qui explique les règles au sujet de plusieurs points dans la charia par rapport à l'iddihan. On a expliqué déjà au dernier cours à l'iddihan qu'est-ce que ça signifie, c'est-à-dire le fait de mettre de l'huile dans la barbe et de parfumer la barbe et de s'occuper de la barbe. Donc on a expliqué les règles à ce sujet-là. On a expliqué aussi qu'est-ce qui a rapport avec l'alcool pour les yeux. On a expliqué aussi ce qui a rapport avec ash-shayb, les cheveux blancs, et les règles au sujet des cheveux blancs, qu'il ne faut pas les arracher, qu'il ne faut pas les teindre en noir, et que la sunna c'est de changer la couleur, mais d'une autre chose, autre que le noir, pas une couleur noire. Et on a expliqué également, au dernier cours, on expliquait également ce qui a rapport avec yani al-qaza, c'est-à-dire l'interdiction de raser une partie des cheveux. Hein. Comme certaines personnes, ils rasent une partie et ils laissent pousser une partie de leurs cheveux. On a expliqué que ça s'appelle al-qaza' et que ça c'est interdit. Et on a mentionné également que c'était interdit aussi pour la femme de changer ou de rajouter des choses comme des extensions à ses cheveux, des faux cheveux, des perruques ou des choses de ce genre. Yani. De rajouter aussi des choses sur son corps pour faire croire aux gens qu'elle est de telle ou de telle forme, alors que ce n'est pas réel. Donc ça, on a expliqué au dernier cours. Là, on va continuer avec les vers de l'imam Al-Mardawi. Il dit ensuite, « Li la'nin alayhi ihdhar kawashmin » ووشرها ونمص ووصل الشعر بالشعر قيدي للعن عليه احذر أو للعن عليه احذر كوشم ووشرها ونمص ووصل الشعر بالشعر قيدي. Donc dans ce vers-là, l'imam al-Mardawi il explique maintenant d'autres règles. Donc on va expliquer ça, c'est un point aussi qui est très important. Et son poème, il termine toujours par la lettre dal. Donc il y a des poèmes comme ça qui se mettent certaines restrictions dans leurs poèmes. Il y en a parmi les Arabes, ils ont des critères dans leurs poèmes comme ça. Ils vont faire un poème qui termine seulement avec la lettre lam. On l'appelle al-lamiya. Les poèmes, on l'appelle lamiya. D'autres avec mim, al-mimiya. D'autres avec noun, al-nouniya. D'autres avec ra, al-ra'iya. Et celui-là, c'est avec dal. Donc peut-être c'est al-dalliya. Hein? Ou al-da'iya. Allahu a'lam, je ne sais pas, mais... C'est, si vous constatez, regardez bien son livre, Manzumat al-Adab al-Shar'iyya, chaque vers termine par un dal, sans exception. Donc ça c'est une chose que j'avais pas fait attention depuis le début, ou peut-être que j'avais remarqué, mais sans porter trop d'attention à ça. Donc qu'est-ce que ça signifie ce vers? C'est au sujet de al-washm, al-washr, al-nams, al-wasl. On va lire les hadiths à ce sujet-là dans l'explication de Cheikh Al-Fawzan. Donc écoutez bien parce que c'est un sujet important, ça touche beaucoup de choses et ça concerne aussi beaucoup les femmes. Donc écoutez bien ces principes et ces explications-là. Le Cheikh Al-Fawzan il dit « هناك أشياء ملعون في من فعلتها من النساء وهي كبيرة من كبائر الذنوب وهي الأول الوشم وهو أن تضع أو أن تبضع جلدها بمشرط ثم يأتي بكحل أو غيره وتشويه به فيصبح لونه أخضر أو أسود على شكل مخطوط أو نقوش في اليد أو في الوجه وقد لعن الواشمة وهي التي تضع الوشم والمستوشمة وهي التي تطلب من غيرها أن يعمله فيها فهو كبيرة من كبائر الذنوب وهو من تغيير خلق الله الذي تعهد به الشيطان وقال ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. Donc la première chose qui est mentionnée, il dit le cheikh, il dit il y a des choses qui sont mentionnées dans la sunna dans lequel il y a une malédiction pour les femmes qui le font. Et c'est des grands péchés parmi les grands péchés. La première chose qui est mentionnée dans le poème, dans ce vers, c'est al-washm. Qu'est-ce que ça signifie al-washm? C'est les tatouages. Les tatouages. Ça, c'est quelque chose, en général, ici, dans les pays musulmans, il y a beaucoup de femmes qui faisaient ça. Ça faisait partie des traditions. Hein? Et tu vois surtout, par exemple, des vieilles dames hein, de certains pays. On voyait ça dans le Maghreb et ailleurs. Des vieilles dames qui se faisaient des tatouages sur le visage, sur le menton, sur les joues, ou bien sur le front, ou bien sur les mains. Hein? Et donc, le cheikh, il explique que, yani, avec une aiguille ou quelque chose, ils font un trou dans la peau, puis après ils mettent soit du kohl ou bien une autre chose qu'ils utilisent pour faire un dessin avec, comme de l'encre. Et les tatouages, on sait aujourd'hui comment ça se fait, c'est devenu même une mode. Allah al-Musta'an, c'est devenu même une mode chez certains de faire des tatouages. Et ça, c'est quelque chose qui est interdit en islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné la malédiction pour celui qui se fait tatouer, ou celui qui demande à se faire tatouer, ou celui qui fait des tatouages aux autres. Donc il y a une malédiction là-dedans. Et tu vois, actuellement, c'est une mode chez les gens du spectacle, ou les gens qui sont dans la musique. Hein? Surtout les gens qui sont dans le rap ou des choses de ce genre, ils se font faire des tatouages et Allah al-Musta'an, les hommes et les femmes et les jeunes, beaucoup de jeunes aussi qui le font. C'est devenu quelque chose qui est presque incontournable chez certains jeunes. Ils pensent que c'est presque une obligation. C'est un phénomène culturel nouveau. Parce que dans le passé, il y avait des gens qui se faisaient tatouer, mais c'était surtout des voyous, des brigands, des prisonniers, des gens dans les sociétés de Kofr en particulier, je parle. Surtout dans les sociétés de Kofr, c'était des criminels qui faisaient ça, pour montrer qu'ils appartiennent à un groupe ou à des gens ou des organisations. Hein? Et donc, c'était des tatouages de certains symboles hein, pour affiliation à ce groupe. Ou bien, on trouve aujourd'hui, il y a des modes. Hein. Il y en a qui se font tatouer des choses dans d'autres langues, soit en chinois, soit en arabe, ou soit en d'autres langues. Allahul Musta'an. Et donc, des fois, tu ne sais même pas qu'est-ce que tu te fais tatouer. Parce qu'il y a des gens qui se font tatouer des choses en des langues étrangères qu'ils ne connaissent pas. Et les personnes qui écrivent, des fois, ils écrivent sans même savoir eux-mêmes qu'est-ce qu'ils écrivent. parce qu'ils font que faire un dessin, en fait. Ils ne savent pas qu'est-ce que ça signifie. Et des fois, c'est même pas quelque chose qui est qui fait du sens. Donc, tout ça pour dire, yani, Allah al-Musta'an, les tatouages, c'est quelque chose qui est maudit et qui est interdit. Que ce soit sur les mains, que ce soit sur le visage. Le prophète sallam a maudit al-Washima, c'est celle qui fait le tatouage, wal-Mustawshima, c'est-à-dire celle qui demande à quelqu'un de lui faire le tatouage. D'accord? Et ça, c'est rapporté par al-Bukhari. Donc, c'est un hadith authentique à ce sujet-là. Et donc, ça fait partie des péchés parmi les grands péchés. Et vous voyez, comme je vous dis, dans certains pays, hein, dans certains pays musulmans, dans certaines cultures, dans certaines traditions, hein, surtout chez les berbères, vous voyez ça, hein, chez les femmes berbères, chez les peuls, et dans d'autres peuples aussi en Afrique, la même chose. Ils se font des tatouages et des choses de ce genre. Ça, tout ça, c'est, ça fait partie des choses interdites. Et le cheikh dit que ça fait aussi partie de changer la création d'Allah. Et ça, c'est quelque chose que Shaitan s'est engagé à faire chez l'être humain, c'est-à-dire d'essayer de changer et de transformer la création d'Allah. Et il le mentionne dans le verset 119, dans Surat An-Nisa. Et il dit, je vais leur ordonner pour qu'ils transforment ou qu'ils changent la création d'Allah. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'ils essaient de faire. Qu'est-ce que le Shaitan essaie de faire, de changer la création d'Allah. Le deuxième point qui est mentionné, il dit « Washrul Asnan ». « Al-Thani, Washrul Asnan ».« Wadhalika bi an ta'ti bil mubarrid »« Wa tuflij asnanaha lil husni »« Wa huwa ma yusamma bil falaj » »« Turidu bi dhalika at-tajammul »« Wa hadha haramun wa kabiratun min kabair al-dhunub » Un autre exemple qui est mentionné, le deuxième point qui est mentionné, c'est al-washr. Al-washr, c'est quoi? C'est lorsque quelqu'un se fait scier les dents ou limer les dents, la dent du milieu, pour faire un espace plus grand entre ses dents. Donc, quand quelqu'un il fait un espace plus grand entre ses dents pour embellir, hein, pour s'embellir, ça c'est ce qu'on appelle al-washr. Et ça, c'est interdit. C'est interdit et ça fait partie des grands péchés parmi les grands péchés. Le point numéro 3 qui est mentionné dans le vers, hein, An-Nams, hein, il dit « Les la'nin alayhi hdhur ka washmin wa washriha wa namsin » Donc le troisième c'est An-Nams. « An-Namsu huwa akhdhu shari al-hawajib » بأن تنتفها أو تقص أن تقصها أو تحلقها أو تجعلها كالخيوط دقيقة ثم تضع مكانها شيئا من الأصباغ وهذا حرام وكبيرة من كبائر الذنوب ومن فعلته فهي ملعونة لأنه من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى فالواجب على المرأة أن تضع حواجبها أو أن تدع واجبها أو حواجبها وأن تتركها ولا تعبث فيها وكذلك ما يسمونه بالتشقير وهو صبغ الحواجب صبغ الحواجب بلون يخالف لونها الأصلي وهذا لا يجوز لأنه من العبث وهو تغيير خلق الله. Donc il dit le troisième chose c'est an-nams. An-nams ça veut dire quoi? L'épilation des sourcils. L'épilation des sourcils, hein, c'est-à-dire les poils qui poussent en haut des yeux. C'est pas les cils, c'est les sourcils, hein. Et l'épilation des sourcils, le cheikh, il explique que, c'est-à-dire, soit qu'elle les arrache, ou qu'elle les rase, hein, ou qu'elle les coupe, et qu'elle les mette, elle les font devenir très fins, hein, elles font devenir comme une ligne. ou bien elle les enlève complètement, puis elle met à la place un genre de maquillage pour remplacer les sourcils. Hein, parce que les femmes, souvent, elles n'aiment pas leurs sourcils, ou elles trouvent que leurs sourcils sont pas comme elles le veulent. Alors, qu'est-ce qu'elles font? Elles les rasent et elles font un dessin à la place. Avec un crayon noir, elles font un genre de ligne pour remplacer ses sourcils d'origine. Allahu al-musta'an. Et le cheikh dit, ça, c'est pas permis. Ça fait partie des kaba'ir, parmi les grands péchés. Et la femme qui fait ça, elle est maudite. Hein? Parce que ça fait partie de changer la création d'Allah. Et donc, l'obligation pour la femme musulmane, c'est de laisser ses sourcils en paix. De ne pas jouer avec. Ou de faire qu'est-ce qu'ils appellent aussi en arabe, at-tashqir. Hein? C'est-à-dire de teindre les sourcils d'une autre couleur différente de la couleur d'origine. Donc ils vont teindre leurs sourcils blonds, par exemple, ou une autre couleur. Tout ça, le cheikh il dit c'est pas permis et ça fait partie de jouer avec la création d'Allah, de changer la création d'Allah. Et c'est pas permis de faire ça. Et même il y a un hadith qui avait été rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là. Et même une occasion où Abdullah ibn Mas'ud, il a rencontré une femme qui, justement, avait épilé ses sourcils. Et il lui a dit que la femme qui épile ses sourcils, elle est maudite. Alors, la femme a dit, « J'ai lu le livre d'Allah et je n'ai jamais trouvé la malédiction d'Allah à ce sujet-là dans le Coran. » Alors, Abdullah ibn Mas'ud lui a répondu en lui disant, tu es sûr que tu l'as lu? Il lui a dit, si tu l'avais lu, réellement, tu l'aurais trouvé. Et il lui a récité le verset. N'as-tu pas vu la parole d'Allah? وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. C'est-à-dire le verset dans lequel Allah Azza wa Jal, il dit, ce que le messager vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, eh bien, abstenez-vous-en. Alors, il faisait référence à la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il y a une interdiction, justement, de faire ce genre de choses-là, et une malédiction pour la femme qui le fait. Comme ces choses-là sont des choses qui sont devenues à la mode aujourd'hui, on voit que plein de filles musulmanes, elles font ces choses-là, alors qu'elles sont maudites, hein, en le faisant, et elles ne le savent même pas. Ou bien si elles le savent, elles font semblant que c'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'elles veulent ressembler à celles qu'elles voient dans les vidéos, dans l'internet, ou bien dans les médias ou dans les magazines de beauté. Hein? Et dans les exemples aussi de femmes sur YouTube qui font des comment on appelle ça, des genres de comme s'ils veulent montrer aux femmes comment mettre du maquillage, comment se maquiller ou quels produits acheter ou des choses comme ça. Et puis, donc, elles vont se raser les sourcils puis faire ça. Donc, quand d'autres femmes musulmanes qui ne connaissent pas l'islam ou ne connaissent pas les règles de la religion, elles voient ça, elles disent, ah, moi aussi je vais faire ça. Hein, ça va être plus beau. A'udhu billah. Donc, en faisant ça, elles désobéissent à Allah Azza wa Jal et elles contredisent les ordres d'Allah. Et elles sont maudites. Hein? Elles ont sur elles la la'na d'Allah. La'na. La'na, c'est la malédiction. Donc ça prouve que ça fait partie des grands péchés, al-kaba'ir. Le quatrième point qui est mentionné dans ce poème, al-wasl. Wasl al-sha'ri bi-sha'r. Ça veut dire les extensions dans les cheveux. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit الرابع مما يستوجب اللعن الوصل وهو أن تصل المرأة شعرها بشعر ليس منه مما يوهم أن شعرها طويل وأنه جميل فتأتي بشعر مستعار تصله بشعرها فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة وهي التي تصل شعرها بشعر غيره والمستوصلة وهي التي تطلب ذلك والواجب أن تترك شعرها على ما هو عليه ولا تدلس ولا تتجمل بما ليس لها وألحق بذلك الباروكة المعروفة اليوم. ومن العجيب أن المرأة التي من الله عليها بالشعر تقصه لأن الشيطان يزين هذا للنساء، فالمرأة التي لها شعر جميل تقصه وتدرجه وبعضهن تجعله كشعر الرجل أو كشعر الكافرات وتصبغه بالمش أو تغيير لونه الأصلي حتى يصبح مثل لون الأعجميات الأمريكيات، وهذا كله من العبث ومن تغيير خلق الله سبحانه وتعالى. المرأة تترك شعرها الذي خلقه الله جمالا لها، تتركه على خلقته وتعتني به بغسله ودهنه وتجميله وفرقه، وأما أنها تعبث به فهذا العبث فهذا حرام. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. Donc le cheikh il dit la quatrième catégorie qui est mentionnée dans le poème ici c'est al-wasl, al-wasila, al-mustawsila. Ça veut dire la personne qui, la femme qui fait des extensions, qui met des allonges, des rallonges dans ses cheveux. Elle met dans ses cheveux ou sur sa tête des cheveux qui ne lui appartiennent pas. Soit des cheveux qui sont des cheveux d'une autre femme qu'elle a acheté, parce qu'il y a des femmes qui se font couper les cheveux pour les vendre. Je sais pas, je pense qu'il y en a des cheveux de l'Inde ou de certains autres pays comme ça qui coûtent cher, parce qu'ils disent ça c'est une bonne qualité de cheveux, soi-disant. Alors, ils achètent ça, et puis, ils se font installer ou tresser ces cheveux-là avec leurs cheveux d'origine, qui sont courts. Et le cheikh, il dit ça, c'est pour donner l'impression que leurs cheveux sont longs et qu'ils sont beaux. Donc, elle a des cheveux qui sont empruntés, qui ne sont pas les siens. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle les attache avec ses cheveux d'origine. Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a maudit la femme qui attache des cheveux à ses cheveux et qui met des rallonges et des extensions. Et il a également maudit la femme qui demande à l'autre de lui faire. Donc il a maudit celle qui pose les extensions, donc qui fait ce travail-là, dans les salons de coiffure ou dans les maisons. Et il a maudit celle qui demande à cette femme de lui faire. Les deux sont maudits, sont maudites. Et il dit l'obligation pour la femme, c'est de laisser ses cheveux comme ils sont, de ne pas les fausser, de ne pas s'embellir par qu'est-ce qui ne lui appartient pas, qu'est-ce qui n'est pas de ses cheveux à elle, à l'origine ou à la base. De même qu'elle ne doit pas non plus, on peut rajouter, on peut joindre à ça l'interdiction des perruques qui sont connues aujourd'hui. Il dit, c'est étonnant, parfois certaines femmes, même elles ont des beaux cheveux, elles les coupent pour mettre des perruques. Allah al-musta'an. Ou bien, elle les coupe pas pour mettre des perruques, mais juste pour les couper. Parce qu'elle trouve que c'est ça qui est beau, d'avoir les cheveux courts comme un garçon. Allah al-musta'an. Ou bien, de ressembler aux femmes mécréantes, de faire les mêmes coupes de cheveux que ces femmes-là. Ou de les teindre. Et de faire des mèches. Le cheikh, il dit, faire des mèches. Tu mets des cheveux de couleurs différentes dans ta tête. Un cheveu d'une couleur, l'autre cheveu d'une autre couleur. Le pire encore, si elles vont mettre des couleurs des couleurs qui ne sont pas des couleurs naturelles chez les êtres humains. Comme si leurs cheveux, c'était des cheveux des oiseaux, des plumes des oiseaux, vertes, jaunes, rouges, bleues. Ça, tu trouves ça chez des oiseaux, qui sont de différentes couleurs, mais pas chez les créatures, pas chez les êtres humains. Les êtres humains, ils n'ont pas naturellement les cheveux de ces couleurs-là, donc on ne doit pas imiter les animaux de cette façon. Allah al-Musta'an. Donc c'est triste que des gens, ils essaient d'imiter les kafirates, les femmes étrangères, et de changer leurs cheveux de la couleur naturelle dans laquelle ils sont. Il y en a pour imiter des couleurs, des cheveux qui n'existent pas chez eux. Parce que le problème aussi dans ces choses-là, c'est que les gens, ils adoptent des critères de beauté. Et parfois, les critères de beauté qu'ils ont sont des critères de beauté qui ont été, importés. Hein? Pourquoi? Parce que à cause de la télévision, à cause des films, à cause des magazines, à cause des vidéos, de l'Internet, les gens, ils voient des femmes, ils voient des hommes, comment ils se mettent leurs cheveux, comment ils s'habillent, comment ils mettent leurs souliers, comment ils mettent leurs vêtements. Et ils s'imaginent, parce qu'on leur a montré que la beauté, c'est ça. Donc, eux, ils ont établi ça comme des critères de beauté dans leur esprit. Et des fois même, c'est même pas conscient, c'est leur subconscient qui travaille. Et donc, ils s'imaginent, si tu veux être belle ou si tu veux être beau, tu dois faire ça. Tu dois t'habiller comme ça et tu dois être comme ça, sinon t'es pas beau. Parce que c'est des critères de beauté occidentale. Donc, le critère que les gens respectent aujourd'hui et le modèle qu'ils suivent par rapport à la beauté, c'est tout ce qui se fait en Occident. Illa ma rahim Allah. Donc ça, c'est très, très triste. Et c'est pour ça que tu trouves même, comme le cheikh l'a mentionné au dernier cours, des femmes qui se font même éclaircir la peau parce qu'elles veulent être plus pâles, elles pensent que c'est ça être beau. Alors elles vont mettre des produits chimiques sur leur peau pour devenir plus pâles. Ils vont mettre des produits chimiques dans leurs cheveux pour que, au lieu que leurs cheveux soient frisés, leurs cheveux vont être lisses. Donc, il faut mettre une permanente dans tes cheveux pour enlever les frisettes, enlever le crépus dans tes cheveux, pour que tes cheveux deviennent lisses, comme les cheveux des Européens, des Blancs. Hein? Ça, tu vois beaucoup ça chez les Africains, chez les Haïtiens, chez les Noirs américains. Tout le temps, ils veulent avoir les cheveux comme les Blancs. Et quand leurs cheveux ne sont pas comme les Blancs, ils disent « t'as pas des bons cheveux ». Si tes cheveux sont comme des Blancs, ça veut dire que tes cheveux, t'as des bons cheveux. Ça vient d'un complexe, en réalité. Ça vient d'un complexe. Et de vouloir accepter des critères de beauté qui sont étrangers aux tiens. Allah, il t'a créé de cette façon-là. Accepte la façon comment il t'a créé. Et accepte, essaie d'apprécier cette façon-là et de pas déformer la création d'Allah. Si tu veux faire des tresses, fais des tresses. Mais mets pas des extensions dans tes cheveux. Parce que ça, c'est interdit. Non, la femme, quand elle porte le voile, elle porte le voile lorsqu'elle sort de chez elle. Mais quand elle est à la maison, elle ne porte pas le voile. Lorsque la femme elle est chez elle avec sa famille, son mari, ses proches, elle ne va pas se voiler. Hein? Elle se voile juste s'il y a des étrangers qui viennent chez elle ou si elle sort dehors en présence des hommes étrangers. Là, à ce moment-là, elle va se voiler. D'accord? Mais quand elle est à la maison, elle ne se voile pas. Donc, elle peut montrer ses cheveux. Donc, il n'y a pas d'interdiction à ce moment-là. Il y a des gens qui pensent, mais surtout des gens comme des non-musulmans, ils pensent que la femme, elle se voile tout le temps. Même à l'intérieur, même chez elle, devant ses proches ou sa famille. Non. D'accord? Elle se voile seulement devant des hommes devant qui elle est obligés de se voiler parce qu'ils ont le droit de la marier ou des choses comme ça. Mais en dehors de ça, elle n'est pas obligée de se voiler à l'intérieur. D'accord? Ensuite, le cheikh, il explique que elle doit laisser ses cheveux tels que Allah les a créés et s'occuper de ses cheveux en les lavant comme il faut, en mettant de l'huile dans ses cheveux pour que ce soit beau, que ça sente bon, hein, pour l'embellir, hein, pour les peigner, pour les tresser, pour les séparer, comme elle veut. Mais commencer à jouer avec et vouloir les déformer, les changer, et ainsi de suite, commencer à rajouter des faux cheveux dans sa tête, ça c'est pas permis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la'ana an-nabiy, hein, les sahabes ont dit, la'ana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, al-wasila wal-mustawsila. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a maudit la femme qui m'aide, qui fait les extensions, et celle qui demande de se faire mettre des extensions. Donc ça, c'est un sujet très important parce que c'est devenu une mode encore une fois. Il y a beaucoup de musulmanes, hein, surtout les musulmanes qui viennent de l'Afrique ou bien de d'autres pays, mais qui, par exemple, sont de cette tradition, de cette habitude-là de se mettre des extensions. C'est devenu quelque chose de naturel pour elles parce qu'elles veulent imiter les femmes qui ne sont pas musulmanes, qui font ces choses-là. Hein? Et donc, elles s'imaginent. Et j'ai remarqué ça. Tu vois, par exemple, dans chaque différent peuple, les musulmans de ces peuples-là, ils veulent imiter les koufars de leur peuple. Tu vois, chez les, par exemple, les musulmans qui sont blancs, ils veulent imiter les chrétiens blancs qui leur ressemblent. Les musulmans qui sont en Inde, ils essayent d'imiter les hindous qui leur ressemblent, de leur pays, de leur origine. Les Africains musulmans qui essaient d'imiter les Noirs américains ou d'imiter les Caribéens ou bien les Antillais qui sont des koufars, hein. Que ce soit dans la façon de s'habiller, la façon de se peigner les cheveux, dans la musique, dans toutes les choses haram, ils essaient de les suivre. Au lieu de se rattacher au Coran et à la Sunna et de suivre l'exemple, hein, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les Asiatiques, la même chose. Les musulmans d'Asie, ils essaient d'imiter ceux d'entre eux qui sont des koufars parmi les Asiatiques. Hein? Partout dans les pays où il y a des musulmans, ils essaient d'imiter les peuples koufars qui leur ressemblent. D'accord? Ça, c'est pour ça que c'est très dangereux. Et les musulmans, ils ont actuellement parfois un complexe d'infériorité par rapport à l'Occident. Donc, à cause de ça, ils veulent imiter tout le monde. Donc, il faut être fier de soi-même, hein, par rapport au fait qu'on est musulman et de ne pas justement sentir le besoin de vouloir ressembler aux autres, mais plutôt sentir le besoin de ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux sahaba et aux pieux parmi les gens de cette umma. Ça devrait être notre référence. Après, le cheikh, il continue dans le poème, il dit وَحَفُّ الرَّجُلِ أو وَحَفُّ الرِّجَالِ الْوَجْهَ يُكْرَهُ مُطْلَقًا وَحَلْقُ الْقَفَى أَيْضًا عَلَى النَّاسِ فَاشْهَدِ وَإِعْفَاءُ اللِّحَى نَدْبٌ وَقِيلَ خُذَنَّ وقيل خذن ما يلي الحلق مع ما زاد عن قبضة اليد ما زاد عن قبضة اليد. Donc ici le cheikh, il parle de qu'est-ce qui a rapport avec yani la barbe, hein, et les règles qui ont rapport avec l'homme maintenant. On a parlé des choses qui ont rapport avec les femmes. Maintenant, on parle avec la barbe et les choses qui ont rapport avec l'homme. Donc, ici, le cheikh, il dit « وَيُكْرَهُ لِلْرَجُلِ حَفَّ الْوَجْهِ » Donc, « حَفُّ الرِّجَالِ الْوَجْهَ يُكْرَهُ مُطْلَقًا » Donc, il dit يعني يكره للرجل حف الوجه وهو إزالة شعر الوجه تجملا، لأن الرجل مطلوب منه الخشونة والرجولة، وذلك يمنع الرجل من حلق القفا وهو القزع. Donc il dit le cheikh, c'est quelque chose qui est détestable pour l'homme de raser les poils de son visage pour s'embellir. Il dit parce que l'homme, il doit avoir une certaine virilité et une certaine rudesse avec lui. C'est pas normal que l'homme il soit efféminé et essayer d'être raffiné dans son apparence. Parce que ça veut dire qu'il devient un homme efféminé, et ça c'est détestable. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit les hommes efféminés. La'ana Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam al-mutarajjilati minan nisa wal-mukhannithati minan rijal. Al-mukhannath minan rijal wal-mutarajjilati minan nisa. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a maudit les femmes qui agissent comme des hommes et les hommes qui agissent de façon efféminée comme des femmes. Donc l'homme, il doit avoir cette rudesse et cette virilité en lui. Et donc, il ne doit pas se raser les poils du visage. Et il ne doit pas non plus faire al-qaza, couper les cheveux de la nuque, baisser les cheveux de la nuque et laisser en avant et haut, comme les gens font aujourd'hui dans la mode. Il dit « wa i'fa'u l-liha » il dit « i'fa'u l-liha natbun wa qila khuzanna ma yali al-halqa ma'ma zada an qabdati l-yadi » Donc ici, le cheikh, il dit que il dit « i'fa'u l-liha tarkuha min ghayri ta'arrudin laha wajibun » لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به والأمر يقتضي الوجوب فقال أعفوا اللحى وقال أرسلوا اللحى وقال أكرموا اللحى وقال وفروا اللحى وقال أرخوا اللحى كلها ألفاظ صحيحة تتعلق باللحية فالواجب تركها على ما هي عليه من غير تعرض لها ومن غير قص ومن غير قص ومن غير نتف فتترك اللحية وتعفى وتعفى إعفاء كاملا لأنها علامة الرجولة وهي جمال للرجل كما أن الله جمل المرأة بالذوائب وجمل الرجال باللحى فهي جمال للرجال. Donc ici le cheikh il explique que l'obligation, parce qu'il y a des divergences parfois, des certains fuqaha ils ramènent des divergences au sujet de la barbe. Et c'est pour ça que vous allez trouver parfois dans certains livres de fiqh que certains fuqaha, ils disent des choses parfois qui sont différentes. Certains qui disent c'est recommandé, d'autres qui disent c'est détestable, d'autres qui vont dire c'est obligatoire. Mais ça, c'est des choses qui existent dans les livres de fiqh parce que les divergences, elles existent et les savants, ils donnent chacun leur opinion. Mais ce qui compte pour nous les musulmans en réalité dans le fiqh, c'est pas de connaître l'opinion d'un tel ou d'un tel, mais le plus important pour nous, c'est de connaître les preuves et de savoir ce qui est supporté par les preuves. Et lorsqu'on connaît la preuve, on n'a plus besoin de s'intéresser à la divergence par la suite, puisque la preuve, elle élimine la divergence et elle est au-dessus de la divergence. Et c'est ça donc le plus important. Et ici, c'est ce que le Cheikh Al-Fawzan, il explique. Il dit, de laisser pousser la barbe, c'est une obligation. Et on ne doit pas y toucher. Et il dit, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de laisser pousser la barbe. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne quelque chose, eh bien, ça implique une obligation. Et donc, quand on dit que de laisser la barbe, c'est sunna, il ne faut pas comprendre par là que ce qui est sunna signifie ce qui n'est pas obligatoire. Parce que ça, c'est dans le langage des savants du fiqh. Eux, ils disent sunna dans le sens de ce qui est recommandé. Sauf que le terme sunna, il a plusieurs significations selon qui, hein, selon quel parmi les savants l'utilise. Et c'est pourquoi les ulama, ils disent parfois sunna dans le sens des fuqaha, mais aussi mais quand tu regardes dans le sens des savants de la religion, quand ils parlent du hadith ou de la sunna en général, ou quand ils parlent du point de vue des ulama du hadith, eux, ils clarifient le terme sunna que ça implique tout ce qui fait partie de la religion, des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné, ou qu'est-ce qu'il a interdit, ou qu'est-ce qu'il a recommandé, hein, ou qu'est-ce qu'il a approuvé, hein, par son silence. Tout ça, ça rentre dans la sunna. Donc c'est la religion en entier. Et ce qui est interdit par Allah dans le Coran, c'est la même chose que ce qui est interdit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna. Et donc, quelque chose peut être recommandé dans le Coran et non obligatoire. Et quelque chose peut être obligatoire dans la sunna et non recommandé. Donc ça, c'est important à comprendre. Déjà en partant, de ne pas s'imaginer que ce qui est sunna est automatiquement pas obligatoire. Ou que c'est quelque chose qui est uniquement recommandé et non obligatoire. Ça, c'est première chose à comprendre. Deuxièmement, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné, ça implique l'obligation. Et on voit qu'en ce qui concerne la barbe, il y a plusieurs narrations dans lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de laisser pousser la barbe et il l'a exprimé de différentes façons, avec différents termes. Tous ces termes-là impliquent de laisser pousser la barbe complètement. U'ful liha. U'ful, ça veut dire laissez-la pousser. Arsilo, hein, laissez-la pousser. Akrimo, hein, honorer la barbe. Wafiro, hein, laissez-la pousser. Arkhou, tous ces termes, arsilo, arfo, wafiro, arkhou, tout ça c'est dans le même sens. Et ce sont tous des termes, des narrations authentiques qui sont reliées à la barbe dans lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de les laisser pousser. Il y a aussi dans la barbe le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a ordonné de se distinguer des mécréants et des koufars. Il dit « Khaliful al-Yahoud, Khaliful Nasara, Khaliful Majus, U'fu al-Liha, Waqassu al-Shawarib. » Il dit « Coupez la moustache, baissez la moustache, laissez pousser la barbe. Coupez la moustache, laissez pousser la barbe. Distinguez-vous des juifs, distinguez-vous des chrétiens, distinguez-vous des Majus. » Laissez pousser la barbe, coupez la moustache. Aujourd'hui, tu vois que les musulmans, qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent pousser la moustache, ils rasent la barbe. Beaucoup de musulmans, viens à la mosquée, tu viens le vendredi. Viens le vendredi. Compte combien de musulmans ils ont la barbe. Tu vois, la plupart, tu vois qu'ils se rasent. Et je me demande, est-ce que lorsqu'ils sont devant le miroir en train de se raser, est-ce qu'ils ne sont pas en train de réfléchir qu'ils sont en train de désobéir à Allah et à son messager en faisant ça? Ils sont en train de commettre un péché. Mais ce n'est pas un petit péché non plus. C'est un très grand péché. Allahul Musta'an. Parce que déjà, c'est un péché public. Ce n'est pas un péché privé. Ce n'est pas un péché que tu fais, personne ne va le savoir. Tout le monde va te voir dans la rue avec ta barbe rasée. Tout le monde sait que tu as désobéi au messager. Ce n'est pas quelque chose que tu peux cacher. Hein? Tandis qu'il y a d'autres péchés. Quelqu'un qui fait un péché, il mange du porc ou bien il fait du riba ou bien il boit de l'alcool chez lui en cachette. Personne ne va le savoir, excepté Allah, c'est Allah qui le voit. Comme ça, il va se repentir, c'est entre lui et Allah. Mais là, quelqu'un, il fait un péché, il fait devant tout le monde dans la rue, tout le monde le voit. Comme la femme qui enlève le hijab, elle ne met pas le hijab quand elle sort dehors. Elle montre à tout le monde qu'elle est en train de désobéir à Allah et à son messager. Ça, c'est un péché public, ce n'est pas un péché privé. Et le péché public, il est beaucoup plus grave que le péché privé. Hein? Et c'est un signe d'hypocrisie, le péché public. Ça, c'est un vrai signe d'hypocrisie. Tandis que le péché privé, hein, même si on dit, comment ça se fait que quelqu'un en privé, il fait des péchés? Parce qu'il a honte, il se cache. C'est la preuve qu'il a encore du bien en lui. Mais celui qui n'a pas honte, il ne se cache pas, ça veut dire qu'il a une maladie dans son cœur qui est grave. Il n'a même plus de gêne pour cacher son péché. C'est beaucoup plus grave que de pécher en privé. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun » Toutes les gens de ma umma seront pardonnés, excepté ceux qui exposent leur péché, qui montrent leur péché publiquement. Et c'est ça qu'on constate malheureusement. Donc ça c'est très grave et il faut qu'ils se repentent, qu'ils demandent pardon à Allah et qu'ils cessent de faire ça. Donc le cheikh il dit l'obligation pour les musulmans, c'est de laisser pousser la barbe. Si ta barbe elle pousse pas, naturellement, ça c'est pas ta faute. C'est Allah qui a voulu que tu n'aies pas de barbe. Dans ce cas-là, tu n'as pas de péché. Mais le péché, c'est pour celui qui l'a, cette barbe. Allah lui a donné une barbe et il la rase. Hein? Donc le cheikh, il dit, donc ça c'est incorrect. Tu ne dois pas la raser, tu ne dois pas la couper, tu ne dois pas l'arracher, tu ne dois pas la diminuer. Tu dois juste la laisser pousser complètement. Et c'est un signe de virilité. Et c'est qu'est-ce qui fait partie de la beauté des hommes. C'est triste qu'aujourd'hui, certains, à cause des koufars, parfois, ils ont pris l'idée que d'avoir la barbe, c'est ça qui est laid, ou que c'est mal propre, et que de se raser, c'est ça qui est propre. Alors que c'est tout à fait le contraire. C'est la barbe qui est la beauté pour les hommes, hein, et qui embellit les hommes. Tu vois un homme, personne âgée, avec une barbe, et tu vois une personne âgée sans barbe, la personne âgée qui a la barbe, même s'il n'est pas musulman, tu as plus de respect pour lui parce qu'il dégage déjà une image beaucoup plus respectable que celui qui n'a pas de barbe. Celui qui n'a pas de barbe, on dirait, essaie de montrer qu'il est jeune, alors que tu vois sa vieillesse dans son visage malgré tout. Hein? Mais quand il a la barbe, tu vois le respect. Hein? Dans son visage. Donc tout ça pour dire, si c'est le cas pour les, quand tu vois ça chez les koufars, imagine chez les musulmans. Hein? Tu vois dans certains pays musulmans, yani c'est non seulement ils savent que ça fait partie de l'islam, mais en même temps c'est dans leur coutume, dans leur tradition, ils laissent la barbe, ils vont jamais la raser. Et tu vois les personnes âgées dans ces pays-là, ils ont un respect. Et les enfants et les jeunes, ils respectent les vieux. Ils respectent les personnes âgées. Et les personnes âgées se respectent eux-mêmes. Hein? Ils n'essaient pas de se cacher, de paraître jeunes ou de faire croire qu'ils sont jeunes. Non, ils n'ont pas honte d'être l'âge qu'ils sont. Au contraire, et ils sont pieux. Hein? Ils s'attachent à l'islam et à la sunna. Tandis que dans d'autres pays, tu vois des personnes âgées comme ça, ils se rasent. C'est tellement laid de voir leur visage, comment ils sont. Allah al-Musta'an. Donc tout ça, c'est comme s'ils veulent s'en les dire eux-mêmes. Mais le shaitan leur a fait croire que de se raser, c'est ça qui est beau. Et de laisser la barbe, c'est ça qui est laid, alors que c'est le contraire. Ça, c'est parce que leur fitra, elle a été corrompue. Nasallallahu al-afiyah. Et donc le shaykh, il dit... وقوله في وقيل خذنا وقيل خذنا ما يلي الحلق مع ما زاد عن قبضة اليد يعني لأن ما نبت على الحق على الحلق ليس من اللحية، اللحية هي ما ينبت على الذقن وعلى العارضين، وهذا هو مسمى اللحية. أما ما ينبت على الحلق فهو ليس من اللحية، فلذلك أن نأخذه، فلك أن تأخذه. وأما قوله واقصص ما زاد عن قبضة اليد، يعني من اللحية، وهذا قول لبعض العلماء، ويعني يقص من اللحية ما زاد عن قبضة اليد، فعلها ابن عمر عند تحلله من الحج أو العمرة. ويروى في هذا حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها، وهذا حديث ضعيف لا تقوم به الحجة. والصحيح أنه من فعل ابن عمر رضي الله عنه اجتهادا منه، ولا يفعله دائما، وإنما يفعله عند التحلل من النسك. فالصحيح أنه لا يجوز أخذ ما زاد عن القبضة، بل تترك اللحية على شكلها وإن زادت عن القبضة. وقوله صلى الله عليه وسلم أرخوا اللحى، أرجوا اللحى، وفروا اللحى، أرسلوا اللحى، هذه كلها ألفاظ تدل على أنه لا يتعرض للحية، وأن ما ورد في أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم من يعني غير ثابت، لا حجة فيه، كما نبه على ذلك الحفاظ من أهل الحديث. Okay, donc on a presque fini le chapitre. On va terminer, inshallah, et puis on va s'arrêter. Il reste pas beaucoup. Donc ici, le cheikh, il explique que, en ce qui concerne ce qui est mentionné dans le poème, sur le fait que tu peux prendre ce qui pousse dans le cou, si tu as des poils qui poussent ici dans le cou, ou ce qui pousse de la barbe qui dépasse le poing, ce qui sort en bas de ton poing, hein, la distance d'un point de lorsque tu prends ta barbe, que tu peux le couper si c'est plus qu'un point. Le cheikh, il explique que ce qui pousse en dessous de la gorge, ou ce qui pousse en dessous dans le cou, il dit ça, c'est pas de la barbe. Parce que la barbe, il dit, c'est ce qui pousse sur les mâchoires et sur le menton. C'est ça qu'on appelle l'ihya. Mais ce qui pousse en bas, dans le cou, il dit ça ne rentre pas dans la barbe, donc tu peux le raser. Il dit toutefois, en ce qui concerne l'idée que on a le droit de couper la barbe qui dépasse le poing, il dit ça, c'est incorrect. On n'a pas le droit de couper ce qui dépasse le poing. Il dit que ça a été rapporté de la part de certains ulama, et c'était quelque chose que il y avait le compagnon Abdullah ibn Omar qui le faisait lorsqu'il sortait du Hajj et de la Umrah. Il faisait ça, il disait qu'il prenait son poing, il prenait sa barbe avec son poing, et tout ce qui dépassait en dessous, il le coupait. Donc ça, c'est un ijtihad de Abdullah ibn Omar. Et qu'est-ce qu'il a fait par ijtihad? On n'a pas le droit de le suivre, puisque c'est en contradiction avec la sunna. D'accord? Et en même temps, qu'est-ce que j'ai remarqué par rapport à ça? C'est que beaucoup de gens qui disent, « Ah, moi je suis l'exemple de Abdullah ibn Omar », ils disent qu'ils coupent en dessous du poing, alors qu'en réalité, non. Puisque s'ils faisaient leur poing vraiment, il n'y a même pas un poil qui sort en dessous de leur poing. Donc c'est la preuve qu'ils coupent en haut du poing et non pas en dessous du poing. Tout ça pour dire que, ce n'est pas une preuve. Ce n'est pas un argument. Et qu'on n'a pas le droit de couper ce qui dépasse le point. Et en ce qui concerne ce qui a été attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme hadith à ce sujet-là, hein, il dit que ça c'est faible. Et il n'y a aucune preuve dans ce hadith-là parce qu'il n'est pas authentique. Et il dit dans la sunna, qu'est-ce qu'on retrouve? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de laisser pousser la barbe. Et il a utilisé plusieurs termes pour ordonner de laisser pousser la barbe. Il a dit Arkhul liha, arjul liha, waffirul liha, arsilul liha. Tous ces termes-là sont dans le sens de laisser pousser, de ne pas couper, de ne pas raser, de ne pas, de ne pas y toucher. Donc tu ne dois pas t'opposer à la barbe ou te toucher à ta barbe. Laisse-la pousser ta barbe, laisse-la comme il faut. Malheureusement, tu vois des gens, quand ils se marient, ils se rasent. Ils pensent que pour être beau, quand ils font le jour de leur mariage, il faut qu'ils soient rasés. Hein? Allah al-Musta'an. Quand il y a une occasion, ils se rasent. Ta barbe, tu ne dois pas la raser, tu dois la laisser. Depuis le moment que tu commences à avoir une barbe à la puberté, quand ça commence à pousser des petits poils, jusqu'à ce que tu meurs, tu ne dois jamais toucher à ta barbe. Même pas la couper ou la raser ou quoi que ce soit. Tu la laisses. Hein? Tu ne dois jamais la toucher. Et c'est comme la crinière pour le lion. Tu vois, le lion et la lionne. La lionne, elle n'a pas de crinière. C'est le lion qui a la crinière. La crinière, ça représente sa couronne. C'est ça qui fait sa beauté. Si tu rases la crinière d'un lion, il devient comme une femelle. Tu ne vas pas distinguer entre la femelle du lion et le mâle du lion. C'est la crinière qui est cette distinction-là. Donc les hommes qui se rasent, ils doivent cesser de faire ça parce que déjà c'est une imitation de la femme. Et en même temps aussi c'est une imitation des koufars. Et aussi en même temps c'est une désobéissance à Allah et à son messager. Hein? Et c'est un péché qui est fait en public. Donc c'est encore plus grave. Il y a beaucoup d'autres arguments que les ulama ils ont mentionnés à ce sujet-là. Ça fait partie de la fitra aussi. Ça fait partie des sunan de la fitra, de la nature saine et originale de l'être humain. Donc il ne doit pas la raser. Tous les prophètes avaient la barbe. Donc c'est incorrect de vouloir contredire la sunna des prophètes et de vouloir imiter les koufars en se rasant la barbe. Tous ces arguments-là sont suffisants, chacun d'entre eux, pour nous établir la preuve qu'il ne faut pas la raser. Et le dernier vers dans ce chapitre, il dit وَجَزُّنْ وَجَزُّنْ وَقِيلَ الْخَيْرُ حَفُّ شَوَارِبٍ خِلَافَ مَجُوسٍ مَعْرَوَافِضِ مُرَّدِ. Aussi un point que je voulais mentionner par rapport au tatouage tout à l'heure, c'est une chose que j'avais oublié de mentionner, c'est que tu vois ça chez les chiites, les rafidas, ils font des tatouages, et j'en ai vu plusieurs même, avec des tatouages de écrit Ali sur leur bras avec un épée, ou bien Al-Hassan ou Al-Hussein ou d'autres, et même parfois ils font des tatouages avec du shirk dessus, donc tout ça c'est haram, d'accord. Allah al-Musta'an. Et je me rappelle une fois j'étais en avion, justement je m'en allais en Afrique ce jour-là, et il y avait un gars qui était à côté de moi dans l'avion. Je savais pas s'il était musulman ou chrétien ou quoi que ce soit, mais il était assis à côté de moi, c'était un passager. Donc tout le long que j'étais entre Montréal jusqu'à Casablanca, j'ai pas parlé avec lui. Je savais pas qui il était. Et il ne m'a pas adressé la parole. Donc, je ne lui ai pas parlé. Une fois arrivé dans l'avion de Casa jusqu'à Dakar, je m'en allais à Dakar à ce moment-là. Et là, il était encore dans l'avion. Et là, il m'a parlé. On a parlé sur un sujet. Puis, lui, il savait que j'étais musulman parce que j'avais mon kamis avec mon vêtement et ma barbe. Donc, il m'a reconnu musulman. Et il m'a dit « Salam alaikum ». Alors, à ce moment-là, j'ai su qu'il était musulman aussi. Il m'a dit, oui, je m'en vais au Sénégal, je m'en vais à Dakar, blablabla. Parce qu'il était Libanais, finalement. Il y a beaucoup de Libanais là-bas, en Afrique. Et puis, je ne savais pas qu'est-ce qu'il était exactement. Je sais qu'il est musulman, qu'il est Libanais. Je ne savais pas plus. Mais après, en me levant pour aller et aller prendre de l'eau, quand je suis revenu à ma place, j'ai vu qu'il avait son chandail et en dessous de son bras, en dessous de la manche de son chandail qui arrivait jusqu'au mi-bras, là, j'ai vu le tatouage qu'il avait, hein, et marqué quelque chose ici sur son bras, comme si Ali ou quelque chose comme ça, avec l'épée. Et je sais que ça, c'est les Shia, Rafida, qui font ça. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, ça c'est un Rafidi. Khalas, j'ai tout compris maintenant. Alors, donc tout ça pour dire, Réani, ces gens-là, ils le font. Hein, ils se font des tatouages et ils se permettent beaucoup de choses haram, ces gens-là. Parce que c'est des gens, ils croient que l'hypocrisie, elle est licite. Que c'est permis de mentir aux musulmans et de faire de l'hypocrisie. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, ici, pour revenir au sujet, le dernier vers de ce chapitre, il dit que tu peux couper, et certains ont dit, hein, hafu shawarib, c'est-à-dire les moustaches, tu peux couper les moustaches pour te distinguer des Majus. Les Majus, c'est les gens qui adorent le feu en Perse, les Perses qui, à l'époque, adoraient le feu. Ils existent encore aujourd'hui, ces gens-là, on les appelle, je pense qu'ils les appellent des Majus, ou bien on les appelle aussi les machéistes, ou bien on les appelle aussi les Zoroastriens. Aussi, on les appelle, je pense, ils les appellent les Zartouches, mais je ne sais pas en tout cas. Ça, c'est dans leur langue à eux, je ne suis pas certain, mais. Ala kulli hal, nous en arabe, en islam, on les appelle les Majus. C'est des gens qui adorent le feu. Et les Rafida aussi. Ils laissent pousser la moustache et rasent leur barbe. Et d'après ce que j'ai compris chez eux, c'est seulement les Mawla, les Choyours qui laissent la barbe. Mais les gens ordinaires, ils ne doivent pas se laisser pousser la barbe chez eux. Chez les Rafida, les Shia, c'est comme ça. Et tu vois ça aussi parfois chez les Soufis. Hein. Les Choyours, ils laissent leur barbe, mais ils disent à leurs fidèles de se raser. C'est un peu bizarre comment ils pratiquent la religion, ces gens-là. Donc, le cheikh Al-Fawzan, il dit à ce sujet-là, et puis on va terminer avec ça. Il dit, « Wa amma sharib, fa inna sunnata la yutrak, hein, yatoul. Lianna hadha tashabbuhun bil kuffar. Wa aydan hadha yalzimu minhu anna hadhihi shawarib at-tawila تنغمس في الشراب وتقذره فالشارب يحف بمعنى أنه ينهك بالقص ولا يترك يطول أما حلق الشارب فهذا مكروه لأنه تشويه للوجه ولكن كثيرا من الناس الآن عكسوا هذا فصاروا يحلقون اللحى ويوفرون الشوارب وقد أمروا بإعفاء اللحى وحف الشوارب وهم صاروا يعني بالعكس والعياذ بالله يحلقون اللحى ويوفرون الشوارب لأن الشيطان يأمرهم بمخالفة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا من العجب في بني آدم أيهما أجمل اللحية أو الشارب يعني ما أحد يقول إن الشارب أجمل من اللحية أبدا بل الشارب يشوه الوجه إذا طال أما اللحية يعني فهي تجمل الوجه فهم أخذوا ما فيه الجمال وأبقوا ما فيه التشويه لا لشيء إلا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بحف الشوارب وإعفاء اللحى فالشيطان حريص على أن يخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فأطاعوه وعصوا الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il termine en disant, en ce qui concerne la moustache, La sunna, c'est de ne pas la laisser pousser longue. Parce qu'il y a dans ça le fait d'imiter les kuffars. Et aussi, si tu laisses pousser ta moustache très longue, elle va être sale. Chaque fois que tu bois quelque chose, elle commence à salir, il y a des choses qui restent dedans. Hein? Et tu vois ça chez les juifs, les yahoud. Ils laissent pousser la barbe, puis ils laissent pousser leur moustache très longue. Parfois même, ça couvre leur bouche complètement. Et quand ils mangent, quand ils boivent, ça reste leur nourriture dedans, dans la moustache. Allah al-musta'an. Et donc le cheikh, il dit, tu dois donc couper ta moustache. Tu dois la couper avec des ciseaux, ou quelque chose comme ça. Tu ne dois pas la laisser pousser longue, ta moustache. Mais tu ne dois pas la raser par contre. Ça c'est aussi c'est important. Tu vois parfois des gens de bid'ah, comme les gens de Jamaat Tabligh ou des groupes comme ça, eux, ils se rasent la moustache avec un rasoir. Ça, c'est interdit. Hein? Ça, c'est interdit. Mais de la baisser, la moustache, de la diminuer, c'est ça qui est ordonné. Il dit, maintenant, aujourd'hui, les gens, de toute façon, ils ont fait le contraire. Ils ont laissé pousser la moustache très longue et ils ont rasé complètement la barbe. Donc tu dis, mais comment ça les gens, ils ont fait le contraire de ce que l'islam ordonne. Allah, il ordonne de laisser la barbe et de couper la moustache. Eux, ils font le contraire, ils laissent la moustache et ils rasent la barbe. Il dit, parce que c'est le shaitan qui leur ordonne de contredire la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, c'est étonnant, il dit, tu vois ça chez des êtres humains, qu'est-ce qui est plus beau, la moustache ou la barbe? Il dit, si tu demandes ça, les gens, il n'y a personne qui va dire la moustache est plus belle que la barbe. Et il dit, mais pourtant, ces gens-là, ils laissent qu'est-ce qui est plus beau. Ils enlèvent qu'est-ce qui est plus beau et ils laissent qu'est-ce qui est moins beau. Ou qu'est-ce qui rend plus laid. Il dit, pourquoi? Parce que le prophète Sorsam a ordonné de laisser la barbe et de couper la moustache. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font le contraire. Ils rasent la barbe et ils laissent pousser la moustache. Donc ça, c'est la preuve que le shaitan les incite à contredire la sunna du messager. Sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, il y en a des gens, ils rasent les deux. Ils rasent la barbe et la moustache pour ressembler comme les koufars ou ressembler aux femmes. Donc ça, c'est laid. C'est vraiment laid. Mais quand quelqu'un, sa fitra, il a été corrompu, il voit qu'est-ce qui est beau, il le voit laid. Et qu'est-ce qui est laid, il le voit beau. Parce que sa fitra, son cœur, il est corrompu. Il voit les choses, il voit plus les choses comme il faut. Il voit les choses à l'envers. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et le chapitre suivant, au prochain cours, Inch'Allah, c'est le sujet ce sera الختان وتخمير الأواني وتقليم الأظفار وتشميت العاطس. Ça veut dire la circoncision, le fait de couvrir les contenants, le fait de couper les ongles et de yani lorsque quelqu'un il éternue, la sunna, qu'est-ce qu'on doit répondre à la personne, qu'est-ce qu'on doit dire à la personne lorsqu'elle éternue. Donc ça fait partie des différentes règles d'éthique de l'islam qui sont expliquées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va clarifier ces choses-là au prochain cours, inshallah. Subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.